La société sylvicole du secteur de Mistassini œuvre dans le domaine de l'aménagement de la forêt et le reboisement forestier. Notre société emploie plus d'une centaine de personnes dans la région. La société sylvicole est située au 245 Dequin, secteur Mistassini, au numéro de téléphone 418-276-8080. Elle est très heureuse de souligner le mois de l'arbre et de la forêt. Quand arrive un problème électrique, on est souvent désemparé. Alors, ne cherchez plus. Il y a les électriciens du Nord, 1025 Première Avenue, L'Ascension. Notre spécialité, les installations commerciales, résidentielles ou industrielles. Une équipe d'expérience qui est disponible. 40 ans dans notre milieu. Vous le savez, on ne joue pas avec l'électricité. Faites confiance à des pros. Contactez immédiatement les électriciens du Nord, 88-347-5103. Toute notre équipe salue le mois de l'arbre et de la forêt. On va parler de baseball avec notre ami Marc Griffin. Salut Marc. Salut Dan. Marc, l'MB Network ont fait un bon un sondage cette semaine. Évidemment, ils n'ont pas grand-chose à faire à se mettre sur la dent. Mais c'est un sondage intéressant pareil. Ils demandent aux gens les 20 meilleures parties de l'histoire du baseball. Eux autres, ben, je t'ai menti tantôt, je pensais que c'était le match Philadelphia Cubs en 79, que ça avait fini 23-22, mais il est 20e, j'avais mal regardé. Eux, là, et c'est pas surprenant, numéro 1, c'est le circuit de Carlton Fisk contre les Reds Cincinnati en 1975, lors de la Série mondiale. Ben, écoute, ça, je veux dire, c'est, hein, on a l'image en tête, là, je veux dire, qui n'a pas vu Carlton Fisk? Pourtant, je veux dire, il y en a plein d'autres matchs, mais celui-là, il y a plein d'autres matchs qui se sont terminés de façon dramatique, mais c'est vrai que celui-là nous vient en tête assez rapidement. Là. Et le deuxième, c'est les Braves contre les Twins, le septième match en 1991. C'est surprenant pareil qu'il arrive deuxième. Troisième, c'est Red Sox-Mets, l'erreur de Bill Buckner, et ça se poursuit. Toi, Marc, ton meilleur match, c'est quoi? Ben écoute, c'est des bonnes questions. Puis mon meilleur match, là, évidemment, pour avoir été témoin là, du match, là, c'est dur d'avoir été de dire qu'un match était le meilleur quand on l'a pas vu. Mais si tu permets, je vais t'en donner un comme dans ma jeunesse, là, tu sais, comme amateur, puis je vais t'en donner un plus tard. Mais certes, je te dirais, puis je te dirais que moi, le trip de Wallace Johnson, le fameux match où les Expos ont confirmé. Ouais. Leur place en série. Ils s'en allaient officiellement en série, aller jouer contre les Phillies par la suite. Là. Je sais qu'il y a des très, très bons matchs contre les Phillies aussi par la suite, mais je sais pas, ce match-là, il était à Radio-Canada. J'étais dans le sous-sol chez nous. Je regardais ça, puis quand les Expos l'ont emporté, il me semble... Écoute, ça a été vraiment un match. Le trip de Walsh Johnson, c'est une des premières choses qui me vient en tête souvent quand les gens me demandent ce genre de questions-là. Ouais. Et plus tard, ben écoute, tu sais, j'en ai vu des bons. Je te dirais que... Le match de série mondiale entre les Cubs et les Indiens, le revirement de situation, le circuit contre Aroldis Chapman, la pluie, on revient, les Cubs l'emportent après tant d'années. Ça, pour moi, ça a été un des grands matchs, certes, que j'ai été témoin. Mais je te dirais que peut-être, probablement celui où le bat slip d'Osé Bautista, avec tous les revirements qu'il y a eu dans ce match-là, la finalité, évidemment, avec cette longue balle, ce bat slip, tu regardes ça en reprise puis tu te dis waouh, c'était vraiment quelque chose de il est même pas dans les 20 premiers, ça paraît que l'MB Network est aux États-Unis, hein? Ouais! parce que ça mérite d'être dans les 20 premiers, moi je pense, en tout cas là. Ouais, moi je suis d'accord avec toi, mais surtout que c'est vrai qu'au Canada, c'est un match qui a permis, là, je te dirais, une popularité du baseball au Canada, là, davantage que bien d'autres choses, là, mais c'est vrai que ce match-là devrait certainement faire partie là, d'un top, que ce soit 20 ou 25, là, mais bon, peu importe, c'est chacun ses choix. OK. Bon, Marc, on va-tu avoir du baseball? Tout indique ce matin que le commissaire a fait une sortie. Il dit, je peux pas forcer les joueurs de jouer contre s'ils veulent pas jouer. C'est-tu une moyen de négociation? C'est quoi? Ouais, moi, ce que j'aime pas dans tout ce qui se passe, c'est qu'on fait ça publiquement. Puis je vais taper un peu sur les doigts des propriétaires lorsqu'ils ont décidé de dire OK, nous on s'est entendu, là, on a une belle proposition, bon, on va proposer telle affaire aux joueurs, sachant fort bien que ça allait pas nécessairement passer comme tu sais, facilement. Alors là, la, tu sais, l'association des joueurs qui répond, puis Tony Clark qui dit, écoute, j'accuse les propriétaires d'utiliser cette pandémie-là pour un plafond salarial. Non, tu sais, c'est pas ça la réalité. Tu sais, on sort de la réalité. T'as vu la sortie de Blake Snell, qui fait beaucoup jaser, j'ai l'impression qu'il savait même pas qu'il y avait une pandémie, là, tellement sa réaction était spéciale. Les gars, c'est pas le temps, là, de faire un débat public à savoir qui va faire plus d'argent, qui va en faire moins. Le point prioritaire, c'est la sécurité des joueurs. Mais je regarde ce qui a été mis en place, là. Écoute, c'est extraordinaire ce que le baseball a mis en place, des laboratoires, des ci, des ça. Moi, je pense que vraiment la sécurité des joueurs va être évidemment la priorité, va être prise en charge assez solidement, mais c'est vrai que si un joueur ne veut pas jouer parce qu'il y a des risques, ben c'est pour ça qu'on voulait aller avec une formation avec une cinquantaine de joueurs de disponibles, là. Il y aurait 30 joueurs qui pourraient être habillés, mais parce qu'il n'y aura pas de ligue mineure, donc on comprendra qu'il y a des joueurs qui pourraient devenir disponibles. Mais bon, regarde, ça devient extrêmement difficile. Moi, j'y crois. Je pense qu'il va y en avoir si, évidemment, la santé publique le permet, là, mais tout laisse croire que, ben écoute, évidemment, il va falloir trouver une solution de s'entendre, là, mais faites pas un débat public sur les salaires, ça a aucun espèce de bon. Est-ce que les diffuseurs peuvent mettre de la pression aussi? Parce que je regardais, j'ai vu des codes d'écoute d'RDS, TSN, RDS, TVA Sports, c'est vraiment pas beaucoup, et évidemment, il n'y a pas de sport. Est-ce que ça doit être la même affaire qu'ESPN aux États-Unis? Est-ce que ESPN peut mettre de la pression? Ben, ESPN, Fox, ouais. Écoute, tu regardes ça, là, c'est plus de 50% les revenus, là, les revenus de télévision, le partage, le style, là, ça. C'est ce qui permettrait d'ailleurs aux joueurs d'avoir un certain salaire aussi, là. Donc, absolument. Mais absolument. Puis tu sais, je te disais que ça va aller plus loin. C'est que le Congrès américain, sachant aussi que ça serait un bombe pour la population, qu'on ait du sport, qu'on ait quelque chose de vivant, tu sais. Il y aurait de la pression de ce côté-là aussi, là. Oui, on va se le dire, Marc. C'est pas les athlètes, c'est pas ceux-là qui sont le plus dangereux, là, qui sont le plus en danger, là. Le problème, en fait, c'est peut-être pas les athlètes, c'est les gens qui sont autour des athlètes à ce niveau-là. Tu sais, les entraîneurs. Puis là, les familles disent, ouais, mais là, moi, si je l'ai, mais j'ai pas des symptômes, mais je ramène ça, puis mon beau-père, il a un certain âge, puis il est fragile. Tu sais, c'est tout ça, là, qui fait qu'il va falloir répondre à des questions, mais parce que ce qu'on est en train de réaliser aussi, là, à travers le monde, là, c'est que c'est là pour rester. Ouais. Fait qu'il va falloir trouver une manière de vivre avec ça, sinon on pourra pas rester, tu sais, pendant un an ou deux ans, le temps qu'on trouve, des solutions à ça. Fait que c'est là qu'il va falloir m'aller trancher. Il va falloir prendre une décision sur ce qui se passe. Et la décision va venir quand, d'après toi? Il reste quoi, 15 jours à peu près? Écoute, effectivement, regarde, si tu penses qu'il y a une saison qui commencerait autour du 4 juillet, avec un camp d'entraînement, une espèce de mini-camp qui commencerait à la mi-juin, ben, tu sais, t'as un deux semaines, là, selon moi, là, pour trouver vraiment des solutions à tout ça. Puis, tu sais, ça évolue aussi de jour en jour. Il y a peut-être des nouvelles solutions ou des nouvelles prises de décision compte tenu des circonstances qui vont être prises. Alors, à ce moment-là, faut considérer tout ça. Donc, on se donne un peu de temps, mais régler votre situation en termes salariales. Puis, tu sais, je veux pas pencher pour un ou l'autre parce que même si tu fais un split 50-50, ça se peut qu'il y a des joueurs qui vont faire plus d'argent dans ce sens-là que leur salaire ou, tu sais, ça pourrait être avantageux, mais je comprends aussi les joueurs qui avaient un deal entre guillemets en place au mois de mars, puis là pourquoi ce deal-là ne tient plus. Bon, fait que tu sais, tu penches d'un côté comme de l'autre, c'est correct, négocier, trouver des solutions, mais faites-le pas publiquement comme ça. Je trouve que c'est désastreux. Le baseball joue gros dernier, là, parce que si vraiment là on joue pas, c'est facile. Ben, c'est facile. On peut dire ok, c'est une question de sécurité, on jouera pas. Mais si tu sais, si on gratte un peu puis on voit qu'ils se sont pas entendus en termes salariales. Moi, je pense que ça peut jouer très, très gros. Là. C'est ainsi de l'année où ils risquent d'avoir un taux de chômage à 25%. Ils ne feront pas faire pleurer le monde. Hein? Non. Celle-là, là, elle ne passerait pas là, à bien des niveaux. Mais on dit ça, on disait ça de la grève, puis les fans sont revenus. Hey Marc, on a appris une triste nouvelle, décès de Bob Watson, l'ancien des Yankees de New York et des Astros de Houston comme dirigeant et comme joueur avec les Yankees de New York. Lui, je pense que c'est un bon joueur, mais il a laissé plus sa marque comme dirigeant. Hein? Ouais, ben c'est oui, absolument. Oh, oui, ouais. Oh, oui. Quand tu parles de lui, ben oui. Effectivement, c'est pas un mauvais joueur, mais c'est plus comme dirigeant qui s'est fait davantage connaître. Il y a aussi Art Howe qui va pas très bien, hein. Qui est un des bons, ouais, qui est un des bons, un bon gentleman du baseball, celui-là, un des bons gars. On espère le meilleur pour Art Howe aussi. Marc, en terminant, Michel Laplante a fait une sortie. Je ne sais pas si tu es au courant. Oui. Je sais que tu es impliqué dans les radios. On te connaît à RDS, mais tu es impliqué auprès des jeunes également. Michel Laplante dit on oublie les jeunes. Écoute, on ne peut pas être en désaccord avec la sortie de Michel. Hein? Oh non, pas du tout. T'sais, il veut dire, les jeunes, on vient de parler, les jeunes sont très peu à risque. À un moment donné, là, c'est bien beau la sécurité, mais si on fait faire des burn-out à des jeunes, la santé mentale, c'est aussi important que la santé physique. Moi, je pense que Michel, je vais y parler la semaine prochaine, je pense qu'il y a toute une sortie, puis j'espère que ça va donner des résultats, surtout que dans la région de Québec, il n'y en a pas de cas. Ben, écoute, c'est sûr, parce que, tu sais, quand t'es près des jeunes, tu vois la détresse. Là, on la sent, la détresse, c'est plusieurs jeunes. Il y a des cas même très, très, très graves dans ça. Puis effectivement, là, tu sais, plus on connaît, tu sais, quand on dit ça change à chaque jour, plus tu connais ce qui se passe, ben, tu sais, les jeunes, il faut trouver le moyen de les faire bouger. Il faut trouver le moyen que ces gens-là. Là, on les laisse de côté carrément. Puis, tu sais, à la limite, même les sports, là, qu'on a décidé, c'est parfait, là. Je trouve ça le fun, le golf, tout ça, le tennis, mais pas des sports pratiqués nécessairement par beaucoup de jeunes, tu sais, en masse, là, tu sais. Alors, il faut vraiment penser à ces jeunes-là, là, surtout que là, l'été est commencé ou presque. Puis moi, en tout cas, je suis tout à fait d'accord avec la sortie de Michel là-dessus. C'est tous ceux qui côtoient les jeunes là, presque quotidiennement savent exactement de quoi ils parlent. Puis selon moi, il est pas mal tout à fait d'accord avec lui. Là. Marc, on se reparle bientôt. OK, salut, à bientôt.